Chapitre 45. Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira. Et parmi tous ces hommes, libres et inconnus des geôliers, qui courent pleins de joie une exécution, dans cette foule de têtes qui couvrira la place, il y aura plus d'une tête prédestinée qui suivra la mienne, tôt ou tard dans le panier rouge. Plus d'un qui vient pour moi, y viendra pour soi. Pour ces êtres fatals, il y a un certain point de la place de grève, un lieu fatal, un centre d'attraction, un piège. Ils tournent autour jusqu'à ce qu'ils y soient.